An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Lyon, Saint-Étienne, petit tacle entre voisins, c'est une histoire où nous croisons de la soie et des rubans, des canuts et Manu France, des bouchons et du charbon. C'est une histoire avec le Rhône et la Loire, 69 et 42, une Croix-Rousse et un chaudron, des gaunes et du parler gaga, les verts bien sûr et l'OL aussi. C'est une belle histoire, celle d'une rivalité régionale, Lyon, Saint-Étienne, mais qui est la banlieue de qui ? Hervé Joly, bonjour. Bonjour. Lyon-Saint-Étienne, histoire d'une rivalité. Une rivalité qui doit se comprendre sur un temps long. Dites-moi, à partir de quel moment on peut commencer à réfléchir à une tension entre ces deux villes ? Incontestablement, au début du 19e siècle, au moment où Saint-Étienne devient un peu plus qu'une grosse bourgade, hein, puisque Saint-Étienne comptait à peine 20 000 habitants jusqu'en 1820 et va connaître une extraordinaire explosion démographique et un extraordinaire développement industriel au cours du 19e siècle qui va faire que la population sera multipliée par 6 et atteindra 120 000 habitants donc dans les années 1870. Saint-Étienne, qui n'était pas la préfecture de la Loire lors de la création du département après la Révolution, la préfecture était à Montbrison. Saint-Étienne devient la préfecture de la Loire en 1855. Saint-Étienne devient une ville importante. Alors Lyon connaît aussi un développement industriel, démographique important à cette époque. Disons que les deux villes, ont une importance respective plus comparable à partir du milieu du 19e siècle. Alors que Lyon a une histoire effectivement très ancienne, capitale des Gaules, nous avons cette image qui est très forte sur la construction historique de deux villes. Et vous avez raison, Hervé Joly, de bien préciser que ce 19e siècle est essentiel. Vous êtes directeur de recherche au CNRS avec un travail spécialisé sur ces grandes dynasties, diriger une grande entreprise au 20e siècle, l'élite industrielle française, ou encore les gilets de Lyon, fortune d'une grande dynastie industrielle publiée chez Droz. Justement, dans ces grandes dynasties industrielles, dans cette réflexion sur l'industrialisation, Lyon a effectivement sa place, parce que Lyon possédait des structures anciennes avec des familles, de l'argent, des structures qui permettaient cette industrialisation. Oui, non, il ne faut pas du tout opposer Lyon, qui serait une ville bourgeoise administrative, et Saint-Étienne, qui serait une ville industrielle. Lyon est aussi une grande ville industrielle. Alors, ça a été beaucoup la ville de la soierie pendant très longtemps, avec une industrie assez particulière. On connaît ses canuts, ses ateliers sur la Croix-Rousse, à partir des années 1850, Lyon connaît aussi un grand développement industriel avec la chimie, la construction mécanique, ensuite la construction électrique, l'automobile. Lyon devient aussi une grande ville industrielle. Vous avez travaillé sur les gilets. Qui sont-ils ? Alors les gilets, c'est une famille. Nous parlons de soierie, c'est pas du tout un gilet de soie. Non, les gilets sont une famille originaire du Beaujolais, et le premier de la dynastie, François Gilet, a été teinturier, a créé un atelier de teinture pour soie à Lyon à la fin des années 1830, et cet atelier a connu un développement considérable qui a fait qu'il est devenu, alors qu'il était parti assez tard dans cette profession ancienne, il est devenu le premier teinturier pour soi de Lyon. Ensuite, il s'est développé dans d'autres activités, la teinture pour coton, la chimie, plus tard les textiles artificiels. Et cette dynastie a constitué ce qui est devenu le plus grand groupe industriel régional, présent à la fois dans les textiles et dans la chimie, qui avaient aussi des activités du côté de Saint-Étienne d'ailleurs. D'ailleurs, effectivement, parce que dans l'opposition, il y a sans cesse des liens. Il n'y aurait pas opposition, d'ailleurs, s'il y avait une indifférence d'une ville par rapport à l'autre. Et justement, au moment d'évoquer Lyon, il y a cette question du textile et de la soie. À cette époque, la Croix-Rousse ne formait alors avec cuir qu'un seul et même bourg. En 1797, cuir fut annexé à Caluire et en 1802, la Croix-Rousse devint commune indépendante. Elle fut élevée au rang de ville en 1818 et rattachée à Lyon par le décret du 24 mars 1852, signé du prince-président de la République Louis-Napoléon, devenant le 4e arrondissement municipal. Son dernier maire avait été Joseph Cabias. En 1852, au moment de l'annexion, les Canus, une race qui aujourd'hui s'éteint, émigrés du vieux Lyon depuis le début du 19e siècle, pour installer plus à l'aise leur métier à tisser, avaient déjà fait de la Croix-Rousse le fief des insurrections ouvrières. Vivre en travaillant ou mourir en combattant. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans en son toit. Nous en disons pour vous. Croix-Rousse à Lyon, présentée sur France Culture en 1958, suivie du chant des Canus Hervé Joly. Dans cette identité lyonnaise, nous évoquons ces grandes familles de l'industrie, bien sûr, et puis il y a les Canus. Faut rappeler d'ailleurs qui sont ces Canus. Ils forment une identité lyonnaise très particulière. Oui, ce sont des ouvriers qui ne sont pas des salariés, qui travaillent un peu sous forme de sous-traitance pour des fabricants de soieries qui ne fabriquent pas eux-mêmes, puisque ce sont que des donneurs d'ordre. Alors, ils se mettront à devenir, pour beaucoup d'entre eux, des usiniers, mais plus tard, dans la deuxième moitié du 19e siècle, en implantant des usines à l'extérieur de Lyon, dans les campagnes du côté de l'Isère, de l'Ain, etc. Mais effectivement, l'économie lyonnaise a beaucoup longtemps reposé sur cette économie de la soie, avec les marchands de soie, les commissionnaires en soierie, les fabricants de soierie et les canuts qui travaillent donc à façon. Et puis dans cette idée de commander du travail, d'aller chercher des gens qui vont exécuter l'ouvrage, il y a un lien évident entre Lyon et Saint-Étienne, Hervé Joly. Il y a cette volonté de trouver de la main d'œuvre et à Saint-Étienne, il y en a. Oui, mais les soyeux lyonnais vont pas spécialement faire appel aux Stéphanois pour la fabrique de la soierie. C'est plus Saint-Étienne va quand même. Il faut pas exagérer cette rivalité économique. Il y a plus une complémentarité en fait économique entre Lyon et Saint-Étienne. Saint-Étienne a des spécialités qui sont très fortes. Et qui n'existe pas à Lyon. Bien sûr le charbon et la métallurgie, et même dans le domaine de la soie, on a la rubannerie à Saint-Étienne qui fonctionne de manière relativement indépendante de la soierie lyonnaise. C'est un complément de la soierie lyonnaise, mais les rubaniers à Saint-Étienne ont leur propre organisation avec leurs fabricants. Donneurs d'ordre et leurs travailleurs à façon qui fonctionnent de manière indépendante des fabricants de soie lyonnais. La rubannerie stéphanoise a ses propres débouchés. C'est une industrie de luxe complémentaire de la soierie qui a ses propres débouchés dans les maisons de couture parisiennes, par exemple, dans l'ameublement. Il ne faut pas voir qu'il n'y a pas une dépendance économique de Saint-Étienne par rapport à Lyon sur ce plan-là. Là où Lyon a une force, c'est en termes de capitaux. Il y a très peu de banques à Saint-Étienne. Les grandes banques régionales sont à Lyon. Bon, le Crédit Lyonnais, bien sûr, qui a, comme son nom l'indique, des origines lyonnaises, même si dès les années 1870, il s'installe plutôt à Paris. Il y a la Banque Lyonnaise de dépôt, qui viendra la Lyonnaise de banque. Enfin bon, il y a tout un réseau de banques à Lyon qui peut soutenir l'industrie qui n'existe pas à Saint-Étienne. Donc c'est vrai que beaucoup d'entreprises stéphanoises vont devoir s'appuyer sur des capitaux, notamment lyonnais, et ont des administrateurs lyonnais, ont parfois leur siège à Lyon. Bon, la bourse est à Lyon, etc. Donc il y a une dépendance sur ce plan-là. Oui, la dépendance financière est essentielle, et puis la dépendance même des réseaux. Hein. Hervé Joly, vous avez étudié ces grandes familles. Vous publiez un ouvrage chez Flammarion à Polytechnique, l'X 1901, enquête sur une promotion de Polytechnique de la belle époque aux 30 glorieuses. Et ces notions humaines de relations, éventuellement de famille, permettent aussi de comprendre comment Lyon est une force. Les capitaux se construisent autour de familles. Il faut des liens sociaux, humains. Oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de liens entre des familles lyonnaises et des familles stéphanoises. Il y a beaucoup d'intermariages. La famille Gillet, par exemple, sur laquelle j'ai travaillé, a pour principale alliance à la deuxième génération une alliance avec les Balaï, qui sont une famille d'origine stéphanoise, présente dans la Rubannerie. Et il y aura d'autres alliances ensuite avec d'autres descendants, avec des familles stéphanoises. Et il y en a dans de nombreuses familles. Il ne faut pas du tout imaginer, il n'y a pas d'opposition culturelle, religieuse, politique entre Lyonnais et stéphanois. Donc sur ce plan-là, on ne peut pas vraiment parler d'opposition. Bon, c'est plus une complémentarité entre les deux villes. Oui, complémentarité, c'est vraiment le mot au moment de parler du textile, avec la soie à Lyon et les rubans à Saint-Étienne, qui nécessitent bien une enquête en 1859. Nulle part, l'homme ne s'agite avec plus d'énergie et plus de fruits. Le mineur, dans les villes souterraines où la clarté du soleil ne pénètre jamais et que menacent de multiples fléaux. L'ouvrier en métaux, devant ses forges et ses matières en fusion qui modifient l'air au point de le rendre à peine respirable pour les poitrines humaines. Le passementier, enfin, placé là, dirait-on, comme par contraste, dont les métiers produisent ces rubans si merveilleux, si frais, si délicats, que le moindre contact suffirait pour les faner, et qui partout ont été tissés sous un ciel bien noir et dans une atmosphère bien chargée des fumerons. Sandy Boisard sur France Culture lisait un extrait d'une étude sur le régime des manufactures, une étude de 1859. Et dans cette étude, il est évoqué la passementerie, les rubans de Saint-Étienne, mais aussi les mines. Pascal Charouin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes historien, maître de conférences en sciences et techniques des activités sportives, physiques et sportives, c'est-à-dire STAPS, à l'université de Saint-Étienne. Vous travaillez aussi pour l'université de Lyon, ça va, vous êtes vous un peu des deux côtés. Oui, il se trouve que, j'allais dire, mes enseignements se font exclusivement, quasiment exclusivement à l'université Jean Monnet, donc au département STAPS Saint-Étienne. Mais par contre, mon rattachement en termes de recherche est lyonnais, puisque j'appartiens au laboratoire sur les vulnérabilités et les innovations sportives qui dépendent de l'UFR STAPS. De Lyon et plus généralement de l'université Claude Bernard Lyon. Donc je suis un peu à cheval entre les deux. En plus, rajouter qu'à titre personnel, je suis natif de la région de Saint-Étienne, de Firminy exactement, mais j'ai passé quand même 20 ans de ma vie à Lyon. Donc je connais assez bien les bords de Saône, les bords du Rhône et les bords de la Loire. Vous êtes parfait comme ça, vous avez un pied dans les deux villes. Et justement, au moment d'évoquer l'industrialisation de Saint-Étienne, il y a cette idée de sirurgie. Et pour Saint-Étienne, un mot apparaît tout de suite, c'est le chaudron. Pouvez-vous nous expliquer ce nom de chaudron? Qu'est-ce que c'est? Alors le chaudron, ça désigne, j'allais dire, dans l'univers journalistique, médiatique, sportif, ça désigne donc le surnom donné au stade Geoffroy Guichard, stade à l'intérieur duquel l'AS Saint-Étienne évolue. Par contre, je vais être franc avec vous, je vais vous avouer une forme d'incompétence. Après tout un tas de recherches, on ne sait pas exactement qui a donné le nom du stade Geoffroy Guichard comme chaudron. Alors, la thèse qui revient le plus souvent, en tout cas la thèse qui est crue, peu importe qu'elle soit vraie à la limite, mais celle qui est répandue dans le milieu journalistique et dans le milieu sportif et footeux en particulier, ce serait suite au match retour contre Hajduk Split, donc club yougoslave à l'époque, en 1974, et un retournement de situation, puisque la Saint-Étienne s'incline 4 buts à 1 à Split et gagne 5-1 à Saint-Étienne. Et ce serait un journaliste de l'équipe qui, le lendemain, aurait titré un article en mentionnant que le stade Geoffroy-Guichard symbolisait un chaudron avec évidemment l'environnement industriel, l'ambiance extrêmement chaude et électrique. Enfin, je vais être franc pour ma part. J'ai vérifié sur l'équipe, donc ça devait être en novembre à peu près 1974, je n'ai pas vu apparaître le mot de chaudron. Donc, j'allais dire, au plan historique et au plan scientifique, bien difficile de dire d'où vient exactement ce terme. En tout cas, ce chaudron évoque, vous l'avez dit, hein, Pascal Charouin, la sidérurgie, cet environnement très particulier. Hervé Joly, dans la complémentarité que vous nous avez expliquée entre Lyon et Saint-Étienne, quand il est question du textile, la soie, le ruban, en revanche, nous avons une différence très nette pour l'industrialisation liée aux mines, liée à la sidérurgie. Il n'y a pas de mine à Lyon. Ah oui, donc clairement, il n'y a pas de mine, il n'y a pas de sidérurgie, il n'y a pas de haut fourneau, il n'y a pas d'acierie à Lyon même, pas de grosses forges comme à Saint-Étienne. Il y a clairement une différence. Lyon a une industrie plutôt de la construction mécanique, qui va utiliser d'ailleurs, évidemment, l'acier produit à Saint-Étienne. On retrouve cette complémentarité. Par ailleurs, évidemment, l'industrie jusqu'au milieu du XXe siècle va énormément s'appuyer sur le charbon pour fonctionner. Et le charbon qui est utilisé à Lyon est massivement, évidemment, du charbon qui vient de la Loire, de la région de Saint-Étienne. D'où l'importance aussi du chemin de fer, qui est un des premiers chemins de fer français, hein, implanté entre Lyon et Saint-Étienne, qui était absolument stratégique, puisque Saint-Étienne souffre de ne pas avoir de débouché fluvial, et que le charbon, c'est extrêmement volumineux et lourd, donc il faut pouvoir le transporter à relativement bon marché, et le train va être essentiel pour cela. Et donc, il y a des échanges très importants entre Saint-Étienne et Lyon. Échange important entre Saint-Étienne et Lyon avec ce chemin de fer, effectivement, 1832, on est vraiment dans le tout début. Et peut-on dire que se construit avec cette industrialisation déjà une forme de rivalité? Comment cette rivalité peut se saisir avec ces hauts fourneaux d'un côté et puis ces banques de l'autre? C'est la caricature en fait qui s'impose peu à peu. Oui, il y a un peu cette idée que les Stéphanois seraient pas complètement maîtres de leur industrie, puisque les capitaux, les sièges des entreprises, les administrateurs, on le voit pour les compagnies minières, par exemple, seraient en partie à Lyon. Et donc, il y a cette idée, oui, que les Stéphanois sont un petit peu sous la coupe des Lyonnais. Bon, phénomène qu'il ne faut pas exagérer, parce que il va ensuite se développer aussi une bourgeoisie à Saint-Étienne, avec des capitaux évidemment qui vont naître de ce développement industriel. Et puis par ailleurs, la dépendance extérieure de Saint-Étienne ne se réduit pas à Lyon. On voit aussi que dans les capitales des grandes entreprises stéphanoises, il n'y a pas que des capitaux lyonnais, il y a aussi des capitaux parisiens, étrangers, suisses par exemple, etc. Enfin, la dépendance de Saint-Étienne ne se réduit pas à une dépendance par rapport à Lyon. Pas du tout, c'est vrai que c'est toujours important à souligner entre nos représentations de rivalité et puis la réalité tout simplement de ces échanges, ce travail d'historien qui montre combien tous ces capitaux sont liés, n'empêche que certaines images s'imposent et pour Saint-Étienne, il y a le ruban, le fusil et le cycle. Saint-Étienne est la capitale du troisième centre industriel français. La cité stéphanoise et sa région montrent un des aspects du développement économique de la France. Les articles qui ont fait sa réputation européenne, notamment l'industrie du ruban, continue aujourd'hui plus que jamais d'affirmer sa renommée. Les fusils de chasse de la célèbre manufacture d'armes sont toujours la terreur des Garennes et autres perdrix. Et quant au cycle, Saint-Étienne n'est-elle pas la patrie de Roger Rivière, nouveau recordman du monde de l'heure? Et les machines à coudre égalent en qualité les plus grandes marques mondiales. Saint-Étienne présenté dans le journal des actualités françaises en 1957. Pascal Charouin, mais oui, Manu France, évidemment, la terreur des Garennes, le cycle, enfin tous les vélos, et puis le ruban. Il y a tout un imaginaire qui se construit autour de Saint-Étienne avec des éléments de fierté. Manu France en est un, est connu alors en France et même au-delà pendant très longtemps. Le catalogue Manu France, c'est pas rien. Oui, alors d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Saint-Étienne a souhaité choisir comme sponsor exclusif entre 1972 et 1979 Manu France. La raison était assez simple. Du côté du club de Saint-Étienne, il y avait une volonté de combler un déficit qui était assez léger, mais le sponsoring permettait de combler ce déficit. Par contre, il y avait plus d'enjeux du côté de Manu France, qui était une entreprise, j'allais dire, dès les 70s, qui commençait à péricliter. Et Manu France a tenté de raccrocher le wagon à Saint-Étienne, tout simplement parce que la Saint-Étienne, parfait, entre guillemets, avait des performances au niveau national, mais surtout au niveau européen. Donc la volonté, clairement, de Manu France, c'était de se décloisonner de la stéphanoiserie, si vous me permettez ce mot, pour aller véritablement sur le territoire national, voire sur le territoire européen. Par contre, je voudrais réagir quand même par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. On entend souvent, alors ça a été dans votre bouche et dans la bouche d'Hervé Joly, que cette opposition s'appuie sur des imaginaires, bref, sur des choses qui seraient socialement créées, inventées de toutes pièces, presque de façon magique. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des différences socioculturelles qui existent, ne serait-ce que ce qu'a expliqué Hervé tout à l'heure, entre des choix industriels et stratégiques différents à Saint-Étienne par rapport à Lyon. Donc je dirais que l'idée que c'est finalement une invention sociale, une représentation qu'on a construite peu à peu, je ne suis pas totalement d'accord. Ça repose en partie sur une réalité. Et puis alors, bien sûr, et je terminerai là-dessus, la symbolique où elle est très forte, c'est que cette réalité, elle est bien entendu exagérée, exaspérée, et notamment, je me souviens, lors d'un derby entre l'AS Saint-Étienne et Lyon en 2001, donc c'était au stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne, et les supporters lyonnais avaient été parqués, parce que c'est bien le nom à utiliser, dans le bloc 34. Alors le bloc 34, c'est une partie de la tribune Henri Point, qui est un univers totalement carcéralisé, où systématiquement, on met les supporters adverses. Et c'est produit un truc assez incroyable, c'est qu'à un moment donné, il y a un tifo qui était organisé, un spectacle, entre guillemets, organisé par les ultras de Lyon, et en particulier une affiche qui était relativement bien faite et qui était la suivante, qui avait fait d'ailleurs bondir les autorités locales à Saint-Étienne, qui était la suivante, c'était « Pendant que vos pères crevaient dans les mines, les gones inventaient le cinéma ». Donc c'était vraiment l'idée qu'en gros, d'un côté, on avait les besogneux, les industrieux au mauvais sens du terme, et de l'autre côté, on avait de la culture. Donc là, je crois que c'était effectivement une exaspération d'une rivalité, mais qui part quand même sur, j'allais dire, une réalité que l'on peut objectiver. Alors peut-être pour l'objectiver, ben, moi je me suis amusé à regarder, par exemple, quelle était la catégorie socio-professionnelle, qu'on appelle aujourd'hui PCS en économie, entre le public du stade Geoffroy Guichard et d'autres publics de France. On s'aperçoit d'une chose, c'est que les ouvriers sont sous-représentés à Saint-Étienne, mais ils sont sur-représentés par rapport aux autres stades. La seule exception étant Lens, qui a une fréquentation ouvrière au stade Bollaert, qui est encore plus importante. Mais si vous faites un comparatif, par exemple, Lyon-Saint-Étienne ou Bordeaux-Saint-Étienne, c'est encore le cas aujourd'hui. La catégorie 6 des ouvriers est plus représentée qu'ailleurs, même si elle est sous-représentée. Oui, élément important, le football, pour comprendre cette rivalité. Et bien sûr, au moment d'évoquer les petits tacles entre voisins, Lyon-Saint-Étienne, il est nécessaire de faire une pause musicale pour écouter la beauté, la précision, la rigueur du carillon, le carillon lyonnais, une interprétation par Jean-Bernard Lemoine qui interprète justement la lyonnaise, beauté du carillon lyonnais. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. On est vestiaire avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer. Tous en cœur nous chantons, on est les rois du bal. Sur le terrain, on les entend frapper dans leurs mains. Avec eux, nous chantons. Saint-Étienne sera champion. Allez, qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez. La beauté du carillon lyonnais dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Somaya Dabesh avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric. Oui, le carillon lyonnais qui a dû croiser à un moment quelques supporters de Saint-Étienne avec la chanson de Monty en 1976. Hervé Joly, effectivement, nous parlons de cette rivalité Lyon-Saint-Étienne qui passe beaucoup par le foot. Mais le foot est lui-même porteur de cette histoire que vous nous avez racontée entre la soie, le ruban, l'industrie, les banques, le cinéma aussi. Mais en même temps, on voit bien, à travers l'exemple qu'a cité Pascal Charouin, de cette fameuse banderole opposant la culture à Lyon aux mineurs à Saint-Étienne, combien cette opposition est exagérée par le football. Lyon n'a été que très marginalement une ville du cinéma. Les frères Lumière eux-mêmes étaient d'abord des industriels de la chimie et habitaient à mon plaisir à côté de l'usine Lumière, n'avaient rien de très glamour. On n'était pas à côté des studios d'Hollywood, on était à côté d'une usine chimique très polluante. Globalement, Lyon est quand même aussi une ville industrielle. Alors, c'est pas tout à fait la même industrie, mais Lyon est aussi une ville, par exemple, qui, jusque aux années 50, vit dans les vapeurs des fumées du charbon, même si c'est un charbon qui vient effectivement plutôt de la Loire. Mais Lyon est dans son fameux fog. Lyon est une ville très polluée, avec une industrie très présente dans la ville. On voit aujourd'hui que tout le Lyon qui s'est développé depuis 30 ans, s'est développé sur des friches industrielles qui sont absolument considérables, que ce soit dans les quartiers de Vaise, de Gerland, de Montplaisir, etc. Là aussi, c'est cette opposition entre... Bon, bien sûr qu'il y a Saint-Étienne est une ville plus ouvrière que Lyon, avec bon, notamment ses mineurs, qui sont quand même une catégorie particulière de la classe ouvrière. Il ne faut pas exagérer l'opposition sur ce plan-là. Et les supporters lyonnais, oui, se donnent le beau rôle en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Même si Pascal a raison de souligner qu'il doit y avoir une différence dans le social, dans le recrutement des supporters stéphanois par rapport aux lyonnais, oui. Bah, l'occasion d'ailleurs d'écouter un supporter, petit-fils de mineur, donc de Saint-Étienne, face aux supporters lyonnais. On a inventé le cinéma pendant que vos grands-pères crevaient dans les mines. C'était ça la banderole, en fait. Je me souviens de ça. Bah, une honte. Parce que pour moi, tu respectes la fierté d'une ville, la fierté d'un pays. Parce que voilà, tu craches pas sur ce qui a fait vivre un pays, ce qui était la fierté d'une ville. Et je pense que les Lyonnais ont beaucoup vécu par le charbon. On a nourri les Lyonnais avec le charbon. Donc tu trouves que c'était mal placé, que ça avait rien à voir au contexte du match, en fait. C'est ça qui m'a le plus choqué. Surtout en étant petit-fils de mineur, c'est encore plus choquant. Parce qu'on est marqué, on prend un coup dans la tête, on est choqué, on est blessé. Moi, j'étais blessé. Je le cache pas. Et je pardonnerai jamais. Ça, je le dis ouvertement. Mais c'est une fierté, c'est un honneur, parce que c'était des gens qui étaient courageux, qui n'avaient pas peur de la mort, qui défendaient avec fierté l'honneur de la ville. Dans un film réalisé par Grégory Gomez et Alexis Magan, il y est question de Lyon et de Saint-Étienne à travers cet héritage, ce poids de la rivalité, l'évocation toujours de la mine. Pascal Charouin, c'est vrai que cette rivalité pourrait être réfléchie d'une autre manière. À Lyon, il y a les Canuts. Les révoltes des Canuts au XIXe siècle sont des moments forts de l'histoire ouvrière. Il y a des ouvriers à Saint-Étienne également. Comment vous l'analysez, cette rivalité? Pourquoi? J'allais dire la rivalité... Hervé est plus compétent que moi pour parler d'une rivalité sur le plan économique, social, politique. Mais la rivalité du derby, puisque le derby au départ c'est un mot qui signifie un affrontement, une confrontation au travers de jeux traditionnels qui sont ensuite devenus des sports, de deux paroisses à l'intérieur d'une même ville. Et puis évidemment après ça a pris une autre dimension un peu plus large. Ça désignait effectivement les rencontres sportives entre deux villes voisines, mais au départ, la notion de derby, c'est propre à une ville. Exemple, à Turin, où il y a le derby entre la Juventus de Turin et le Torino. Bon, ce n'est pas le cas en France. On n'a pas les moyens d'avoir deux gros clubs de foot dans la même ville. Donc, de fait, c'est devenu la rivalité entre Lyon et Saint-Étienne. Alors, j'allais dire l'entretien de cette opposition, moi il me semble que j'ai vraiment vu un tournant à compter des années 80, fin des années 80, début des années 90, où vraiment la rivalité était beaucoup plus exacerbée qu'elle ne l'était auparavant. Alors auparavant, jusqu'aux années 80-90, j'allais dire on a une logique de derby, de voisinage, mais qu'on connaît absolument partout, qui est toujours la même, c'est la petite ville, entre guillemets, même si Saint-Étienne n'est pas une petite ville, mais en tout cas, elle est plus petite que Lyon, et qui utilise le football pour renverser la hiérarchie. Et force est de constater que, sportivement, elle a bien réussi, en tout cas durant les années 60-70, même si après, il y a eu, entre guillemets, un rétablissement de la situation, puisque l'Olympique lyonnais, durant les années 2000, est devenu véritablement dominant sur le paysage footballistique français, y compris devant le Paris Saint-Germain ou l'OM de l'époque, qui avait déjà beaucoup d'argent. Donc les mécanismes du derby sont toujours un peu les mêmes, mais dans le cas peut-être de Saint-Étienne et Lyon, la différence se fait aussi parce que le derby du football rejaillit aussi sur la vie sociale quotidienne. Juste un exemple, il y a plein de gens que j'ai eu au cours d'entretiens, des supporters, qui m'expliquaient en gros, même s'ils n'utilisaient pas ces mots-là, ben, ils socialisaient leurs enfants, ils éduquaient leurs enfants. Et en gros, ils m'expliquaient, ils me disaient, ben, nous, en gros, on les éduque à ne pas aimer les Lyonnais. Et de l'autre côté, de la même manière, des supporters de l'OL qui me disaient, mais nous, on les éduque à détester les Steff. Alors les Steff, pour les pêcheurs, c'est les appâts, on appelle ça des Steff, et donc c'est l'abréviation de Stéphanois pour les supporters lyonnais. Et là où l'affaire devient grave, parce que pour moi, la rivalité, elle n'est pas du tout sympathique, elle est très inquiétante, très dangereuse. Je me souviens avoir été interviewé à une période par un journaliste du Progrès, donc il y a le Progrès à Lyon et la tribune Le Progrès à Saint-Étienne, et je me souviens dans le cadre de l'interview, j'avais dit, mais un jour on va se réveiller lorsqu'il y aura un mort. Et je me souviens, le journaliste avait fait son gros titre là-dessus, un jour on va regretter, eh ben, parce qu'il y aura un décès entre les deux. Donc c'est une rivalité qui n'est vraiment pas du tout sympa, dans la mesure où elle va contaminer d'autres univers, par exemple d'autres sports, mais aussi la vie sociale. La fusion de l'université de Saint-Étienne avec celle de Lyon, parfois même des choses beaucoup plus intimes. Tout le monde connaît cet épisode où il y a des ultras stéphanois qui sont allés, pour être clair, hein, pour être franc et cash, foutre le bordel à l'intérieur d'un mariage d'un ultra, d'un badgone de l'Olympique lyonnais. Et ça a fait un gros scandale, sauf qu'en plus, il y avait eu méprise parce que, en fait, il s'était trompé. La personne qui a été dérangée, enfin, les deux personnes, l'époux et l'épouse qui ont été dérangées, c'était pas du tout ceux au départ qui étaient visés. Mais là où ça devient véritablement dangereux, c'est qu'on a même des discours extrémistes. Enfin, moi, j'ai entendu des gens dire, mais ah non, mais moi, je veux pas me faire soigner à Lyon. Je ne vais pas me faire soigner par des Lyonnais, je vais me faire soigner à Saint-Étienne. Donc, si au départ, notamment de notre émission, là, c'était un peu soft, hein, maintenant, c'est plus soft du tout. Moi, personnellement, ça me fait pas beaucoup rire, et j'en appelle même un peu à la citoyenneté pour dire aux gens de se calmer, parce que ça devient une histoire extrêmement grave. Alors, juste un dernier point, je ne veux pas en rajouter des tonnes et des tonnes, mais des supporters à l'époque où on cherchait les numéros de téléphone sur un annuaire, des gens qui étaient obligés de payer justement pour se mettre sur la liste rouge parce qu'ils étaient lyonnais et supporters de Saint-Étienne, ou l'inverse, où Stéphanois est supporter de l'OL. Oui, parce que, bien sûr, ce derby a quelque chose qui est facile d'analyse. Un derby dans la presse est une manière de bien présenter un match. Et puis, il y a l'analyse que vous en faites, vous, Pascal Charouin, de manière plus large. Et le derby devient plus sombre. Demandons son avis à quelqu'un qui connaît très bien ce derby. Regardez, il arrive, c'est un ange vert. Pour moi, s'il y a vraiment un derby à ressortir dans... En France, c'est celui-ci, quoi. Hein. Lyon, Saint-Étienne, Saint-Étienne-Lyon. Il y a eu beaucoup de matchs, toute une histoire derrière. Quand on arrive au club, on parle de ce match, quoi. Dans la saison, c'est deux matchs très très importants, voilà. Et je me souviens de petites phrases. Qui parfois était assez cinglante, elle pouvait être blessante même, quand Roger Rocher disait que Lyon était la banlieue, était devenue la banlieue de Saint-Étienne. Bon, maintenant, après, il y a eu d'autres phrases de la part de président lyonnais. Dominique Rocheteau, l'ange vert qui s'exprimait sur l'équipe TV, avec toujours cette idée de rivalité. Nous l'évoquons à travers le football avec... vraiment le constat que la rivalité n'est pas toujours sympathique. Hervé Joly, il y a aussi le contexte à mettre en place. La désindustrialisation a plus frappé Saint-Étienne que Lyon. Est-ce que cela a pu exacerber la rivalité? Oui, c'est vrai que Saint-Étienne avait des industries qui ont beaucoup souffert. Bon, évidemment, les mines de charbon ont fermé les dernières les années 80, l'industrie sidérurgique métallurgique a beaucoup décliné, le ruban survit, mais à travers des industries nouvelles, de rubans de technologie, dans le domaine sportif, justement, médical, avec des entreprises importantes qui ont une réussite. Il existe encore aussi des industries issues de l'armurerie, du cycle, etc. Bon, il y a encore de l'industrie importante à Saint-Étienne, mais c'est vrai que Saint-Étienne a beaucoup souffert, est une ville en déprise démographique, hein, qui a perdu beaucoup d'habitants, alors que Lyon est en revanche une ville en expansion importante, parce que Lyon a aussi connu des restructurations industrielles, mais l'industrie lyonnaise et l'économie lyonnaise avec le tertiaire, c'est beaucoup plus renouvelé. Ce sont des villes qui sont dans des contextes économiques assez différents. Ça se voit par exemple dans le prix de l'immobilier qui a beaucoup augmenté à Lyon, alors qu'il a plutôt baissé à Saint-Étienne. Et c'est vrai que avec le football, il y a eu un peu ça a un peu exacerbé les choses. C'est-à-dire que Saint-Étienne, bon, comme l'a bien dit Pascal Charouin à propos de Manu France, Saint-Étienne a brillé en football au moment où la ville était paradoxalement économiquement un peu en train de s'effondrer. Ensuite, évidemment, Saint-Étienne a connu des périodes en football plus difficiles, et c'est l'Olympique Lyonnais, notamment dans les années 2000, qui a pris le dessus, donc qui a symbolisé finalement une forme d'écrasement de Saint-Étienne, Saint-Étienne en déclin, en perte d'habitants, et cette pauvre ville de Saint-Étienne qui au moins avait le football avant, n'avait plus le football à partir des années 2000 où Saint-Étienne était souvent en difficulté, même était assez longtemps en deuxième division, etc., et où Lyon prenait le dessus. Mais il faut voir que Pascal Charouin avait tout à fait raison de souligner que cette rivalité a des côtés désagréables. Il n'y a peut-être pas encore eu de mort, mais on sait par exemple que aller se garer avec les voitures maintenant ont moins nettement des immatriculations, mais aller se garer à l'époque où c'était au stade de Gerland avec une voiture immatriculée 42 les soirs de match, vous n'étiez pas sûr de la retrouver intacte, même si vous n'étiez pas venu voir le match, mais vous aviez malencontreusement garé votre voiture dans le secteur. Il y a effectivement une violence, mais ce qu'il faut voir, c'est que cette violence n'est pas le fait simplement d'ultra incontrôlé. Elle est aussi attisée. Pascal Charouin a cité les propos de... c'est Dominique Rocheteau qui évoquait les propos du président Roger Rocher de Saint-Étienne, mais on peut en dire autant des propos du président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas. Cette rivalité est attisée par... Les dirigeants, les responsables des clubs. C'est d'ailleurs un paradoxe que cette rivalité est devenue d'autant plus forte ces dernières années, alors que les matchs n'opposent pas des Lyonnais à des Stéphanois. Le recrutement des deux équipes est un recrutement très diversifié à l'échelle nationale et bien sûr aussi internationale. Mais comme l'a bien dit Dominique Rocheteau, qui est un Charentais d'origine, quand on arrive à Saint-Étienne, quand on arrive à Lyon, eh bien une des premières choses qu'un joueur apprend, même lorsqu'il vient du Brésil ou d'Argentine, c'est que il y a cette opposition très forte entre ces deux villes, et il apprend l'importance des derbies. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est construit d'abord par l'encadrement des clubs, parce que les clubs sont des entreprises de spectacle et que le derby fait partie du spectacle avec ses dérapages, mais que si on sait que un derby, d'abord c'est l'assurance d'un stade plein, c'est l'assurance d'une très forte audience à la télévision. Les derbies sont toujours le dimanche soir à 21h, au moment où l'audience est maximale, etc. Donc c'est d'abord un enjeu économique, ce derby. Enjeu économique pour le derby et enjeu d'identité et de mémoire pour l'histoire. Pascal Charouin, je pense pour Saint-Étienne que quelques mots suffisent pour montrer l'importance de ces souvenirs, simplement si je vous dis poteau carré. Oui, poteau carré, on connaît un petit peu l'histoire. Les poteaux carrés, c'est effectivement la forme qu'avaient les cages lors de la finale contre le Bayern Munich en 76 à Glasgow. Et une tête et un tir sur la barre transversale qui était donc de forme carrée et pas ronde comme elle doit l'être aujourd'hui. Et le ballon, au lieu de rentrer, évidemment, est ressorti, donc n'est pas véritablement entré dans les cages. Il y a même certains biomécaniciens et des physiciens qui ont essayé de voir, extrapoler par rapport à l'angle du ballon, par rapport à la barre transversale, si effectivement, si la barre transversale avait été ronde, si le ballon aurait rentré. Mais c'est difficile, parce qu'il faut prendre en compte tout un tas de données, l'écrasement du ballon, donc la vitesse de la balle, parler également de l'effet de la balle au moment de la tête ou du tir, etc., etc., parler même du vent, etc., donc c'est très compliqué, de la dilatation des tôles, puisque les cages sont réalisées, sont faites en métal. En tout cas, c'est devenu quelque chose de symbolique assez fort. La preuve, c'est que l'AS Saint-Étienne a accepté d'acheter très cher les poteaux carrés pour les mettre à l'intérieur du musée des Verts. Et il existe à Saint-Étienne un bar qui s'appelle le Glasgow et un autre, les poteaux carrés. Donc oui, ça a une dimension symbolique forte. Alors pour la petite histoire, aujourd'hui, l'UEFA et la FIFA et l'International Board ont légiféré, il n'est plus possible aujourd'hui de faire se dérouler un match de football avec des cages de forme carrée, c'est-à-dire type cage de handball par exemple. Ça, c'est plus possible. Maintenant, les poteaux, comme la barre transversale, doivent être ronds ou rondes. Ce rêve brisé des Verts lors de la Coupe d'Europe face au Bayern en 1976 est constitutif de l'identité stéphanoise, évidemment. Avec, malgré tout, Pascal Charouin, vous nous avez dit combien vous êtes critique, méfiant face à cette rivalité. Un peu d'espoir, tout de même. Rassurez-nous pour terminer cette émission. Ben écoutez, franchement, ce qui m'inquiète, c'est vraiment l'espoir, non. Enfin, le seul espoir qu'on ait aujourd'hui, c'est que dans un premier temps, des décisions ont été prises hors Covid, avant Covid, c'est-à-dire l'interdiction de déplacement des supporters lyonnais à Saint-Étienne et évidemment l'inverse des supporters stéphanois à Lyon. Mais pour l'instant, et puis évidemment la période Covid qui fait que maintenant, les matchs se déroulent à huis clos, mais des raisons d'espérer que la situation s'améliore. Alors, je vais peut-être être méchant, mais il me semble que la rivalité s'est quand même beaucoup plus exacerbée lorsque les groupes ultras se sont édifiés. Moi, j'ai vraiment connu des derbies à Gerland et à Saint-Étienne avec l'absence de groupes ultras, puisqu'ils n'existaient pas à l'époque. Et franchement, c'était plutôt des derbies de voisinage. Je dis, ouais, on va quand même pas perdre contre le voisin, mais ça n'allait pas bien plus loin que ça. Ce qu'on peut craindre lorsque les choses iront mieux en termes sanitaires, c'est que la réouverture des stades, je ne suis pas persuadé que les groupes ultra vont avoir du mal quand même à redémarrer, comme le sport fédéral, comme probablement les concerts, etc., etc. Et c'est peut-être finalement une nouvelle manière de regarder le spectacle sportif qui peut pacifier les conflits, apaiser les tensions, mais voilà. Je retiens le mot pacifié, en tout cas, Pascal Charouin. Merci vivement, en tout cas, de votre analyse sur cette rivalité Lyon-Saint-Étienne. Merci beaucoup aussi à vous, Hervé Joly. Et je rappelle, votre étude publiée chez Flammarion à Polytechnique X1901, une enquête sur une promotion de polytechnicien. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors, une tradition belge, le canular, oui, mais qui tourne à la bagarre. Le 1er avril à Bruxelles, une blague a dégénéré en émeute. Un faux festival de musique, la Boom, organisé via les réseaux sociaux, a tourné en un véritable affrontement entre faux festivaliers et vraies forces de police sur les pelouses du bois de la Cambre. L'événement avait été créé sur Facebook pour le plaisir de pouvoir se dire, même si c'était pour rire, que se rassembler pour profiter des beaux jours et faire la fête, vivre dans l'espace public serait encore possible un jour de l'autre côté de la pandémie. Mais le canular a tourné à la bagarre quand 2000 personnes ont décidé de se réunir malgré tout, malgré le faux et malgré le renforcement des mesures sanitaires. Ces canulars politiques qui cherchent l'émotion pour animer le débat sont en passe de devenir une tradition en Belgique. En 2006, déjà, un faux documentaire, un documenteur, avait fait l'événement.